Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle lune. Alors, cette vidéo donc va parler de la nouvelle lune du dimanche 18 juin. Je l'ai là sous les yeux. Elle va se former à 26 degrés 43 du signe du Gémeaux à 4h38 GMT plus ou moins, donc à 6h38 environ en France. Alors, lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune sont sur le même degré du zodiaque, l'un à côté de l'autre, et c'est ce que l'on appelle en astrologie une conjonction soleil-lune. Et donc ici, le soleil et la lune, eh bien, sont conjoints en gémeaux. Une nouvelle lune, quels sont les symboles? La nouvelle lune, souvent, elle donne un nouveau souffle, un nouvel élan, et c'est le début d'un cycle. Donc, elle nous permet de lancer ou de relancer les dés. C'est le moment de semer, donc c'est le moment de démarrer un projet, de prendre des initiatives. Voilà déjà pour les nouvelles lunes. Alors plus précisément, une nouvelle lune en gémeaux, eh bien une nouvelle lune en gémeaux, elle est liée à la communication, elle est liée au déplacement, elle est liée au mouvement, aux affaires, aux changements aussi. Et elle invite donc à se montrer ouvert, à se montrer curieux, à s'exprimer aussi, à apprendre, à transmettre, à user d'humour, à sortir, à rencontrer du monde, etc. Alors la nouvelle lune en gémeaux, eh bien, sous cette nouvelle lune, elle nous rend souvent plus enthousiastes et souvent plus sociables. Et on ressent très fort le besoin d'entreprendre plein de choses à la fois, au risque parfois de se disperser. Alors attention quand même. Alors, pour cette nouvelle lune du 18 juin, quand on regarde le ciel, cette carte du ciel ici, on voit que cette nouvelle lune en gémeaux, donc la conjonction du soleil et de la lune en gémeaux, elle est carrée, donc mal reliée, à Neptune en poisson. Donc cela peut indiquer qu'on sera quand même pas mal envahi par les émotions sous cette nouvelle lune, mais heureusement, grâce à l'énergie du gémeaux, qui est plus raisonnable et intellectuel, eh bien on va posséder justement suffisamment de réflexion pour pouvoir analyser ses émotions et peut-être du coup mieux définir nos désirs et mieux définir nos motivations. Donc, certes, il nous faudra rester vigilant, rester lucide, fuir surtout les arnaques matérielles, pourquoi pas les arnaques sentimentales, etc., chasser de notre environnement les beaux parleurs. Mais heureusement, pour nous aider, eh bien le 19 juin, il y a un transit très sympathique qui nous porte. Alors l'aspect exact de ce transit, c'est le 19 juin, mais il a déjà de l'effet évidemment quelques jours avant et quelques jours après le transit exact. Et on peut dire du coup que lors de cette nouvelle lune du 18, eh bien ce transit positif est déjà opérationnel. Et qu'est-ce que c'est ce transit? Eh bien il s'agit du sextile, donc aspect positif très bénéfique entre Jupiter en taureau et Saturne en poisson. Donc ce transit, à ce moment-là, au moment de cette nouvelle lune, eh bien il va nous aider à prendre confiance, à garder confiance. Il nous permet surtout d'avancer dans nos démarches diverses, de récolter surtout beaucoup de satisfaction. Et sous cette influence, eh bien, on a toutes les qualités requises pour répondre à nos ambitions. Donc, sous cette nouvelle lune, au final, qui est liée à tout ce qui est idéaux, avec Neptune ici, et puis on a donc ce transit de Jupiter et de Saturne qui s'en mêlent. Cette nouvelle lune, eh bien, tout ce qui est lié aux idéaux, aux initiatives collectives, tout cela peut vraiment évoluer favorablement. Alors, il faut surtout bien choisir avec qui on va travailler, avec qui on va œuvrer, et il ne faut surtout pas se tromper d'embarcation. Et donc, tout ira bien. Alors, tout le monde est concerné par les nouvelles lunes, mais les signes ici les plus touchés donc sont bien sûr les gémeaux. On a en face les sagittaires, on a les balances, les verseaux, les lions, les béliers, les taureaux et les poissons. Mais vous serez aussi plus sensible à cette nouvelle lune si votre ascendant ou si votre lune sont dans l'un de ces signes. Bien sûr, on va regarder maintenant tous les signes du zodiaque et j'ai établi pour vous un petit horoscope par rapport à cette nouvelle lune. Et par rapport aussi à ce transit très positif de Jupiter, et de Saturne. Alors, Bélier, vous pouvez compter sur cet élan dynamique pour vraiment franchir tous les barrages grâce à votre sens relationnel et grâce à votre flair pour les bonnes affaires. Taureau, la nouvelle lune, elle peut débloquer une situation, alors démenez-vous pour obtenir gain de cause et surtout ne vous laissez pas faire. Gémeaux, face à une petite déception ou à un découragement, eh bien vous pouvez rebondir ou trouver un plan B. Alors donc secouez-vous. Pour les cancers, même si vous ne savez pas vraiment vers quoi vous allez en ce moment, eh bien allez-y et ne stagnez pas. C'est en tâtonnant que vous allez trouver la bonne voie. Pour les lions, vous ne tenez pas en place, vous allez vers les autres et sinon les sollicitations pleuvent. Votre vie relationnelle est stimulante, alors acceptez aussi tout ce qui est relations, échanges et travaux d'équipe. Pour les vierges, la nouvelle lune, elle vous incite à éclaircir une situation professionnelle, à mieux vous situer dans un partenariat, à réfléchir posément face aux signatures, face aux contrats. Pour les balances, alors vous pouvez tout grâce à votre sens relationnel. Alors surtout, comptez sur votre réseau d'amis, votre sens de la répartie et de la diplomatie. Vos finances aussi peuvent s'améliorer. Pour les scorpions, eh bien vous vous usez à la tâche, mais ce n'est pas vain. Donc votre portefeuille pourrait du coup porter, vos efforts pourraient porter leurs fruits et votre portefeuille pourrait constater une nette amélioration. Donc cette nouvelle lune est prometteuse, courage. Pour les sagittaires, eh bien l'énergie, la sagacité, les bons réflexes, voilà vos atouts. Il y a aussi votre sens relationnel qui joue. Donc tout cela, c'est vraiment des atouts que vous possédez en cette nouvelle lune. Alors utilisez tous ces outils et profitez-en. Pour les capricornes, votre confiance en vous et vos capacités sont boostées. Surtout dans vos activités. Alors vous pouvez rencontrer un franc succès au travail si vous focalisez dessus. Donc concentrez-vous bien. Alors pour les Verseaux, la nouvelle lune, elle stimule vos désirs. Certaines envies deviennent une nécessité. Donc c'est le moment d'utiliser votre passion pour agir et pour évoluer dans le sens désiré. Et enfin, Poissons, en famille, c'est le moment de provoquer une discussion qui peut faire avancer un projet commun. C'est le moment aussi de travailler main dans la main avec votre enfant, pourquoi pas, pour le faire avancer. Pour les amis solos, eh bien, c'est le moment de saisir les opportunités qui se présentent. En tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la pleine lune. À bientôt !